Attends. Deux, trois, un, deux. Avec ma gamine, elle a voulu chanter un truc. Je le sens trop. Oh, oh. Take. Gamine, elle m'a squatté l'ordinateur, elle voulait chanter une chanson, puis après elle s'est cassée. Elle chantait ça, là. Ça va pas si vite. On accélère ? Tu connais, vous connaissez cette fille Tal? Elle fait deux tubes, c'est les mêmes accords. J'ai trouvé le sens de la raison. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. Tu sais, rien n'est parfait, la vie fait des erreurs, pas toi seulement pour le meilleur. Ça se ressemble, la chanson. Tu sais, deuxième tube. Tu sais, rien n'est parfait, la vie fait tes erreurs, bats-toi seulement pour le meilleur, bats-toi. C'est vrai, rien n'est parfait, mais chaque seconde de bonheur te donne le goût de vivre encore plus fort. Tu sais, rien n'est parfait. Non. Tu sais, par un accord. Je suis trop fort en micro, non? Et tu sais, rien n'est parfait. Tu connais pas ça? Ça s'appelle Tal. Tal. Tal ou avec un L ou deux L. Thank you. On met un peu de batterie. Hein. La batterie. Vas-y, balance la batterie. Too slow. Il faut 64 là, non ça fait. Essaye. Essaye ça. Comment on dit, c'est une chanson que je sais pas moi, je viens de faire quoi. Ok, j'essaye. Jam, it's a jam. D'avoir cette rage.